Itali Production. Bienvenue Papi Kanza, le Brazzavillois de Londres. Oh, tout ça c'est quoi? Oyo qui m'a fait le gnoyo. C'est l'époque des ambitieux. Et je serai timé en tête. Mokonza Luton, Jacob Kimbembe. Supérieur de gestion et d'administration des entreprises. C'est malin, le yougoulou l'oué. Christo malé, yibile. Yougoulou l'oué. Oyo, commissaire Lévi. Mais c'est des officiers. C'est si bon. Aïe, aïe, aïe. Village de Paris. Thierry Citain. Man de fracata chez Justin Kikonda à London. Easy. Intervention rapide, Baba Boom. Nganda moto ameni moto je t'entendi. Salam aleko, salam aleko Dakara. Kiki Touré à l'est Saint-Pierre. Comme servir ce sujet mis et patin. C'est le contre-douce Yamila Nathalie, Bana London. Je suis là qui nous anime l'étoile du matin, Radio Koukou. Denma Sepele, Valda Saint-Val. Médard Milandou, Catherine Ballet, 33 ans de service. Son Excellence Serge Mongoli à Washington. Un Blanchard le Blanc, Bana et Salsa. L'amour est un labyrinthe qui enivre et qui rassure. N'est-ce pas, j'espère s'aimer. Ma chanje, ma bifine, mon accent sera yop.

Asile Teke teke omba Awe Abuna Nangetara Kayuse Ebelebe Le pétrolier de Londres Robert Isé Je n'oublie pas mon grand frère perso Kayem Belchen Temba Wabusoko Ah ouais Richard Kabbala La parole est en toi quoi La valeur sûre dans Raga FM Na motema na yo bobo

salangando. Congo le pétrolier. Balo Joseph Chika Yadou. ESGAE, la grande école à Mukondo. Mayaza Jacinthe, Miss de Miss, na royaume ya Belgique. Bat Kasapumba, Wabikila en vent. Gislain Kinoani, Radio Congo, Guy Benoît avec Victor, Jocelyne Litier, Résonné à Tangapo, Odo Anioma Nyoma, Oki et Gina Tricot, Doudou Koupa Koubelina, Enite Batimba, Clarisse Samba, Jean-François Ndenge, Molonganya Anine. PPG Ferenga Saki Papi Bastien Mabulango Mère Langa et Machoko Zangul. Thank you. boye ata obumi moto mbula zomi na kati ya zamba ata obumi bolingo mbula zomi na kati ya motema sukasukasi